Chapitre 11e. Josette se leva à 9 heures et s'habilla pour monter à cheval. En arrivant dans la cour, elle vit qu'un piqueur sortait de l'écurie Bacchus, un cheval de pur sang, récemment arrivé de l'entraînement, et qu'un accident de ferrure avait, pendant quelques jours, empêché de marcher. « Ah ! » dit Madame Moret. « Vous le promenez ?»« Oui, Madame la Comtesse. Il est tout à fait guéri et il fait une vie à tout démolir. Depuis 5 jours, il n'est pas sorti. » « Eh bien, je vais le monter. »« Oh, il va être insupportable. Il n'est déjà pas commode quand on le sort tous les jours. »« N'importe, il m'amusera, au contraire. Seulement c'est vous qui m'accompagnerez. » Quelques instants plus tard, Josette sortait de l'hôtel sur Bacchus, qui, au pas, tirait déjà à lui arracher les bras. La comtesse montait généralement seule avec un piqueur quand son oncle de Scaer ne l'accompagnait pas. Depuis longtemps, elle ne sortait plus avec M. Moret. Lui se promenait de préférence à 4 heures et aimait les nombreuses cavalcades que Josette détestait. La joie de Paul Moret était d'escorter au bois un escadron de Mexicaines bronzées ou de blondes misses, et si par hasard il montait le matin, c'était pour aller rejoindre à Madrid Fanny Keyes avec laquelle il déjeunait. La comtesse n'avait fait que quelques pas lorsque l'oncle Jean la rejoignit. « Comment ? Tu n'es pas à la battue ? » s'écria-t-elle très surprise. « Non, » dit M. Scaer, un peu embarrassé. « J'irai rejoindre après le déjeuner. J'en aurai encore assez. Tu sais, moi, je n'aime pas beaucoup les petites fêtes où il y a des têtes couronnées. Je trouve que ça jette un froid. »« Mon pauvre Jean, avoue donc que tu es commandé pour ce matin. Tu as bien tort de finasser avec moi, va. Eh, crois ce que tu voudras, tu m'ennuies. Dis donc, il a l'air agréable à monter, Bacchus. » Effectivement, en approchant du rond-point de l'étoile, le cheval, effrayé par les tramways, bondissait sur place, pointant et ruant alternativement, avec cette violence bête du cheval de pur sang non dressé. « C'est la faute de Toby, » dit Josette. « Il s'est entêté à lui mettre une bride. J'ai beau le prendre sur le filet, il sent le mort et ça le gêne, ce cheval. » « Si tu parviens à traverser la place, nous marcherons ferme dans l'avenue, ça le calmera. » Dès qu'ils eurent atteint l'allée des cavaliers, ils trottèrent. Bacchus tirait, mais pas assez pour que Josette, qui a d'excellents bras, ne pût l'empêcher de prendre le galop. « Il va comme un vétéran de manège, » disait l'oncle Jean. « Tu montes décidément pas mal du tout. » Comme ils arrivaient à la porte Dauphine, un train passait en sifflant. Bacchus s'arrêta si court qu'il eut lancé par-dessus ses oreilles quelqu'un de moins souple que Josette. Il resta un instant planté sur ses jambes raidies, tremblant, le cou tendu, les oreilles piquées, l'œil énorme, reniflant le vent. « Bravo !» s'écria en riant l'oncle Jean. « Ne bouge pas. Tu as le bon chic d'un crafty. Enfoncez, Alfred de Dreux et ses chevaux en robinet de bain. À la bonne heure, voilà une vraie encolure. Il a l'air d'avoir 2 mètres des oreilles au garrot, ton cheval. » Josette riait aussi, lorsqu'un second coup de sifflet fit sortir Bacchus de son immobilité. Il sauta hors de l'allée si rapidement qu'un arroseur n'eut pas le temps de détourner son tuyau. Le jet, frappant le cheval au poitrail, l'affola complètement. Il fit 2 bonds prodigieux et, baissant la tête, trop brutalement pour que Josette pût le reprendre, partit à fond de train dans la direction de Paris. D'abord, la jeune femme le laissa filer, ne voulant pas lui échauffer la bouche et croyant qu'il prenait seulement son galop d'entraînement. Lorsqu'elle le sentit emballé pour tout de bon, elle essaya de l'arrêter, lui tordant la tête, mais il détala plus vite encore. À la hauteur de la rue de Presbourg, il prit le milieu de l'avenue courant droit sur l'Arc de Triomphe. Au moment où il touchait les chaînes qui entourent le monument, Josette, sentant venir la chute, ferma les yeux pour ne pas voir contre quoi elle allait se briser. Une terrible secousse la jeta en arrière, sans aucun mal, et toute surprise, elle regarda. À sa droite, un homme suspendu à la bride de Bacchus et arc-bouté contre son épaule, l'asseyait sur ses jarrets, quelque effort qu'il fit pour se dégager. Josette sauta à terre et saisit la bride de l'autre côté. Déjà la foule s'amassait. Monsieur de Scaer, Pierre de Laferre et le piqueur avaient rejoint. Une masse de cavaliers amis ou inconnus, voyant la comtesse à pied et n'ayant pas assisté à l'accident, s'empressait pour savoir si elle n'avait pas de mal. Un peu pâle, ravissante, moulée dans sa courte amazone sombre, Josette remercia chaudement l'ouvrier qui avait arrêté son cheval. « Sans vous, je me tuais, probablement. » Puis, comme décontenancé, il cherchait à s'esquiver, elle le retint par le bras. « Eh bien, vous n'allez pas partir comme ça !» Et allant à M. de Scaer, « Jean, demanda-t-elle tout bas, donne-moi de l'argent, beaucoup. »« Beaucoup ? Si tu crois que j'ai beaucoup d'argent, tu t'illusionnes !» murmura l'oncle Jean, qui porta la main à sa poche. L'ouvrier, un grand garçon de 35 ans, en bourgeron et petit chapeau mou, vit le mouvement. Sa bonne figure ouverte et intelligente se rembrunit. Il rougit jusqu'aux cheveux. Josette s'en aperçut. Elle s'arrêta, chagrine, interdite, ne sachant comment réparer sa maladresse. Puis, tout à coup, s'avançant vers l'ouvrier, sans se soucier de la foule qui l'entourait, elle lui tendit gentiment sa joue en disant « Voulez-vous m'embrasser ?»« Si je veux, je le crois. » D'un bon mouvement gauche et naïf, il s'essuya lentement la bouche du dos de la main et appliqua un gros baiser sonore sur le frais visage de la comtesse. « Quel type que cette Josette !» dit l'oncle Jean à monsieur de l'affaire, puis s'adressant à sa nièce. « Rentres-tu à pied ou veux-tu monter dans un fiacre ?»« Comment rentrer ? Ce serait une jolie leçon pour Bacchus. Je vais le remonter tout de suite, au contraire. » Et s'approchant du cheval encore tremblant, elle le caressa, lui parlant doucement. « Tu es enragé, » dit monsieur de Scaer, l'aidant à remonter. « Du reste, tu as raison. Une bête rentrée à l'écurie sur une pareille faute est une bête fichue. » Monsieur de l'affaire vint s'aligner près de Josette, qui, en grande conversation avec l'ouvrier, lui faisait promettre d'amener ses enfants le jour même chez elle et lui donner l'adresse. « Je vois que vous êtes toujours aussi imprudente, » dit-elle d'un ton de reproche. « Tiens, vous êtes là, » fit Madame Moret, toute contente. « Je ne vous avais pas vue. » « Il est pourtant là depuis le commencement, » affirma l'oncle Jean. « Il montait l'avenue quand tu le descendais d'un si joli train. » Et regardant Bacchus avec cette tendresse de l'amateur qui pardonne tout à un bon cheval, « Car il a du train, l'animal. Je ne sais pas pourquoi ton mari prétend qu'il n'est bon à rien. Il fait une vraie boulette en leur tirant de l'entraînement. Dis-moi, as-tu peur ?»« Dame, oui. Mais seulement en arrivant sur l'obstacle. Jamais l'arc de triomphe ne m'avait paru aussi grandiose. C'est égal, tu as repris des couleurs. Tu es fraîche comme un camélia rose. Ce n'est pas comme ce pauvre Pierre. Il est livide, regardez-le. » C'est que j'ai été bouleversé, dit M. de l'affaire. Toi aussi, d'ailleurs. M. de Scaer ne répondit rien. Il était visiblement préoccupé et se retournait à chaque pas, regardant derrière lui dans l'avenue. Josette se mit à rire. « Tu es inquiet. Le fait est que si tu avais manqué inutilement la battue, ce serait ennuyeux. » La princesse de Gordes les croisait, adressant à Madame Moret un gai bonjour. Pierre de l'affaire salua, tandis que l'oncle Jean s'absorbait dans la contemplation de la Villa Saïd. « Tiens, » demanda Josette, « est-ce que vous êtes en froid, Madame de Gordes et toi ?»« Nous sommes plus qu'en froid. »« Ah bah, vous étiez si bons amis. » « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Ce qu'elle m'a fait ? Je vais vous le dire, car c'est renversant. Il y a 15 jours, elle m'invite à dîner pour dimanche dernier. J'accepte. Ses dîners sont exquis, son hospitalité toute écossaise, et on ne s'embête jamais chez elle. Dimanche matin, je reçois un petit mot sur une carte Moyen-Âge, parfumée à faire éternuer. Je lis difficilement ce mot grâce à un immense lion passant qui couvrait aux 3/4 la carte. Mais enfin, je parviens à comprendre qu'elle me prie de passer chez elle avant 2 heures. Elle a quelque chose à me demander. « Ah ? » dit Josette, intéressée. « Non, ce n'est pas ce que tu crois. »« Mais je ne crois rien. »« Eh bien, moi, je croyais. » Parce que d'ordinaire, quand la princesse dit à un homme qui n'est pas encore croulant qu'elle a quelque chose à lui demander, il peut, sans fatuité exagérée, « Voyons, Jean !» dit Josette, grondeuse. « Demande à l'affaire si... « La bienveillance de la princesse n'est pas un fait acquis à l'histoire contemporaine. Enfin, moi, à tort ou à raison, j'entrevois une aventure tout ce qu'il y a de plus 18e siècle, et je me précipite avenue Montaigne avant d'aller aux courses. On m'introduit dans le petit salon où j'attends, plus ému que vous ne le supposez. Ma foi, oui, je la trouve très émotionnante, la princesse, et je suis un des rares habitués qui... « Jean, je t'en prie. » « C'est bien. » Je glisse sur mes impressions personnelles puisqu'elles ne semblent pas t'intéresser. Donc la princesse paraît. Mais pas du tout telle que je l'attendais. pas de peignoir écumeux et embaumé, pas de toilette d'intérieur conquérante et coquette. Au contraire, une femme sanglée dans un costume Henri II, à plis secs et cassants, qui craque à chaque mouvement. Haut des manches, des bourrelets plaçant les épaules presque sur la ligne des oreilles. Une fraise raide, dont la vue produit la sensation d'une éraflure. Un chapeau empanaché et des gants. Brrr. J'étais très refroidi. Néanmoins, je veux lui baiser la main et pour ce, je renverse la manchette du gant afin de trouver une petite place de peau. Tu sais. Ah bien oui. Elle se laisse faire avec impatience, m'indique un fauteuil et me dit « Mon cher Skaer, je vous demande pardon de vous avoir ainsi dérangé, mais ce que j'ai à vous demander ne souffrait pas de retard. » Je commence à protester de mon entier dévouement. Alors elle me regarde d'un air narquois et me défile sa petite histoire. Il s'agit de ne pas venir dîner chez elle le soir comme elle m'y a convié. Elle a, n'étant pas au courant des potins, invité Madame de Villefranche. Or, tout le monde sait, paraît-il, que je suis au mieux avec elle et je dois comprendre que la princesse, dans sa situation, est obligée à certains ménagements. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Je lui affirmais qu'elle pouvait être tranquille et que ni ce soir ni jamais, je ne refourrais les pinces chez elle. Faut-il qu'elle soit méchante, hein? Pourquoi me faire cette ridicule sortie? Parce qu'elle n'aime pas qu'on s'amuse sans elle et que Madame de Villefranche, les Jurieux, Madame Hart, les Jassy, Dammartin, toi et quelques autres, vous formez une bande joyeuse dont les ébats la gênent. Peut-être aussi est-elle jalouse, dit Monsieur de la Fère. Jalouse? S'écria l'oncle Jean, stupéfait de bonne foi. Eh oui, jalouse. Avec tout ton aplomb, tu manques totalement d'outrecuidance et tu as fort bien pu ne pas voir que Madame de Gordes jetait inutilement de doux regards sur toi. Tu es trop bon. Tu sais que tu peux t'en aller quand tu voudras, dit Josette, montrant de l'œil Madame de Villefranche qui, accompagnée d'une véritable suite, venait d'apparaître dans l'allée. Je surveillerai ta nièce, promit Pierre en souriant. Tu peux me la confier. J'empêcherai les imprudences. Je n'en doute pas. Mais c'est que tu ignores les caprices de Josette. Elle ne permet à personne de l'escorter quand elle n'est pas avec son mari ou avec moi. Je ferai une exception pour Pierre, dit vivement la comtesse. Il n'est pas un étranger, lui. Mais, fit l'oncle Jean très surpris, tu n'as jamais voulu monter avec André, qui n'est pas non plus un étranger, je présume. Et sans voir le trouble de sa nièce, il reprit « Voilà qui est flatteur pour toi, Pierre. »« Crois-tu ?» répondit M. de la Fère, qui sourit tristement. Pressé de s'en aller, l'oncle Jean prit le trot, envoyant de la main un adieu amical. « Vraiment, cela ne vous contrarie pas que je vous accompagne ?» demanda M. de la Fère à la comtesse. « Cela me fait au contraire un grand plaisir. » Et elle commença à babiller gaiement, rappelant les excursions d'autrefois, les galops interminables à travers les grandes landes, les chasses accidentées, les noms des piqueux et des chiens. À la bonne heure. Là-bas, on pouvait marcher, tandis qu'ici, c'est une bousculade. L'allée s'encombrait effectivement de plus en plus. Le murmure monotone et régulier des voix, accompagné par le bruit du piétinement des chevaux sur le sol mou, s'élevait peu à peu, devenant véritablement agaçant. Ça et là, une phrase nette se détachait du bruissement confus lancé au passage par les cavaliers qui se croisaient sans s'arrêter, s'interpellant et se parlant retournés sur leur selle. À tout à l'heure. Oui, je finirai par le tour des obstacles. C'est un nouveau cheval? Non, un vieux, il arrive de la campagne. Ça l'a retapé, faut pas le dire. Je lâche l'allée. Il n'y a plus moyen de circuler. Venez-vous? Impossible, je file. Il faut que je sois duplex à l'admi. Si nous suivions le bon conseiller de l'officier qui lâche l'allée, proposa Josette. Allons dans la partie abandonnée, le long de la piste d'Auteuil. Nous aurons le soleil et nous ne serons pas dérangés à chaque instant. Tenez, nous pouvons couper par ici, c'est plus court. Et tournant à la route des lacs, elle prit une petite allée déserte. N'est-ce pas qu'on est mieux ici? Demanda-t-elle, interrogeant Pierre. Il n'y a pas un chat. Au moment où elle disait « il n'y a pas un chat », Madame de Guibray parut, venant au devant d'eux. À sa droite marchait Luxeuil. Son mari et M. de Lalonde suivaient. Elle allait s'arrêter en apercevant Josette, mais la comtesse coupa le mouvement, n'ayant pas l'air de le voir, et passa en disant « Bonjour, Ça va bien depuis ce matin ? Très bien, répondit Madame de Guéret d'un ton sec, et s'adressant à Luxeuil, assez haut pour être entendu de tous, « Oh, oh, voilà du nouveau !» Puis se retournant, elle regarda avec insistance la comtesse et Monsieur de l'affaire. Pierre pâlit de colère. Josette haussa les épaules. « Du nouveau, c'est vous » dit-elle en riant. Monsieur de l'affaire ne riait pas. L'insinuation venant de cette femme l'avait exaspéré et, sans rien dire, il mâchonnait furieusement sa moustache. « Savez-vous que vous avez l'air très, très méchant ?» reprit gaiement la comtesse, qui, pour la première fois de sa vie, regardait avec attention son camarade d'autrefois. Le vicomte de l'affaire est trop grand et a les traits trop accentués. Ses cheveux, d'un brun doré, onduleraient s'il ne les coupait très courts. Le visage est hâlé par l'air de la mer et le soleil des pays chauds, à l'exception du front lisse et blanc coupé d'une grande ride, visible seulement aux instants de contrariété ou de colère. Les yeux d'un gris velouté, pailletés d'or, surmontés de sourcils droits très rapprochés à la racine du nez, ont un regard profondément intelligent, tendre et bon, mais traversé parfois d'un éclair de dureté. La bouche grande, aux lèvres charnues, habituellement sérieuse, a dans le sourire un charme infini. Les dents fines, courtes et blanches, apparaissent éclatantes sous une moustache rousse et ébouriffée. Les mains sont superbes, les pieds très petits. Chose rare chez les hommes trop grands, M. de l'affaire a une tournure d'une élégance extrême. « Allons, » dit Josette lorsqu'elle eut terminé son examen, « ne prenez pas ainsi une figure de croque-mitaine. Madame de Guibray a fait une réflexion déplacée, je le reconnais, mais c'est fini, n'y pensez plus. » « J'y pense, au contraire, et je me sens une prodigieuse envie de raconter à quelque bonne langue l'histoire de cette austère personne. « Vous ne ferez pas ça, et Guibray ?»« C'est vrai, ce pauvre diable. Bah, sans que je m'en mêle, tout se découvrira un jour ou l'autre. Il suffit pour cela que le comte de Brixen recommence le récit qu'il vous a fait hier soir, en présence de gens moins discrets que vous, le petit Lagardy, par exemple. Je l'ai trouvé très aimable, le comte de Brixen. Il l'est pour qu'il lui plaît. La politesse banale des souverains n'est pas du tout son fait. Mais vous l'avez charmé, comme les autres. Et brusquement. C'est vrai, dites que vous vous souvenez encore de la Bretagne et des amis que vous y avez laissés. Je me souviens d'eux d'autant mieux qu'ils sont mes seuls amis. Et voyant l'air surpris de Monsieur de l'affaire, « Mais oui, votre mère, mon tuteur, vous, et c'est tout. Mais ici, ici, il reste Monsieur Jost et ma belle-mère, oui, ma belle-mère. Cela vous étonne, n'est-ce pas ? Il est si peu accepté qu'une belle-mère et une belle-fille vivent en bonne intelligence. Eh bien, Madame Auray et moi, nous nous aimons tendrement. Je crois que si j'étais vraiment sa fille, l'affection qu'elle a pour moi serait la même. Enfin, êtes-vous heureuse ? Autant qu'on peut l'être quand on a passé à côté du bonheur, répondit simplement Josette. La physionomie de Pierre s'attrista. Il pensa que la comtesse faisait allusion à André et qu'elle le regrettait toujours. « Oui, » reprit Josette, abattant nerveusement de son petit bâton de frêne brut cerclé d'argent les branches sèches qui avançaient dans l'allée, sortant du taillis. « Oui, je n'ai pas su diriger ma vie. Je suis, dans certains cas, positive et pratique et stupidement rêveuse dans d'autres. J'ai aimé, sans raison, quelqu'un qui ne m'aimait pas et je me suis entêté dans cet amour ridicule, sans même voir ce qui se passait autour de moi. » Puis, comme il faut en France, qu'à tout prix une femme se marie, j'ai épousé sans entrain, comme aussi sans regret, quelqu'un qui ne m'inspirait ni passion ni éloignement. Plus tard, le mariage ne m'ayant donné ni jouissance vive, ni chagrin profond, je suis retourné vers le rêve qui cette fois venait au-devant de moi. Je puis parler de cela maintenant que c'est fini. « Fini ? » interrogea Pierre, anxieux. « En êtes-vous sûr ? » « Oui. » affirma Josette. « J'ai eu du chagrin d'abord, oui, beaucoup. Le désespoir d'un enfant auquel un autre arrache son jouet. Puis, une rage sourde contre cet autre et contre le jouet qui s'est laissé arracher. La crise finie, j'ai songé au passé avec regret, avec étonnement et enfin avec une sorte de honte, jusqu'au moment très prochain où je n'y penserai plus du tout. Je suis heureux de vous entendre parler ainsi. Je souffrais tant de vous savoir malheureuse. Mon pauvre Pierre, vous êtes meilleur que moi. Je n'ai rien deviné autrefois, ni votre affection si vraie, ni le motif de votre départ au moment de mon mariage. Ce n'est qu'en vous retrouvant, il y a 8 jours, si dévoué et si bon, que j'ai compris où était le bonheur. Monsieur de la Fère, les yeux brillants de joie, regardait Josette. Alors, dit-il d'une voix tremblante, je ne vous faisais pas horreur. Elle éclata de rire. Horreur? Et pourquoi? Est-ce que j'étais avec vous de façon à vous donner cette idée saugrenue? Non, c'est-à-dire si. Vous vous moquiez toujours de moi. Je croyais que vous me trouviez repoussant. Parce que je riais de vos grands bras, de vos longues jambes et de votre air sérieux? Vous me compariez à Don Quichotte. Justement, vos jambes. Vous disiez qu'il y avait dans la salle de billard de Scaer un portrait de Cyrano de Bergerac qui me ressemblait. C'est vrai, le nez? C'est bien ce que je disais, vous me trouviez affreux, murmura Pierre. Affreux, c'est convenu. Parlons d'autre chose. Vous n'allez plus voyager, j'espère. Si, peut-être. Dans tous les cas, j'ai promis à ma mère 6 mois entiers que je vais lui donner. Alors vous irez à Carouette cet été? Certainement. Ma mère arrive dans 2 jours et nous partirons ensemble à la fin de mai. Eh bien, moi aussi, j'irai passer tout l'été en Bretagne. Je supprimerai Deauville et Biarritz. Vrai? Mais oui, cela vous étonne? Un peu. Il me semble impossible que vous restiez longtemps à Scaer, vous, si mondaine. Encore? Ah, décidément, vous y tenez. Je vous assure que je n'aime pas le monde et qu'il me rend l'appareil. Mais nous bavardons là. Quelle heure est-il? Je ne veux pas faire attendre ma belle-mère. Ils arrivaient à l'entrée de l'avenue. Elle allait partir bon train, mais Pierre l'arrêta. Doucement, s'il vous plaît. Je suis responsable de vous. J'ai garanti à Jean que je vous ramènerai sans accident. La comtesse désigna légèrement du bout de son stick un groupe de cavaliers qui descendaient l'avenue devant eux. Le voilà, Jean. Il est amoureux comme un collégien. C'est très drôle. Il couvre des yeux Madame de Villefranche et ne lui permet pas le plus innocent flirtage. Il est dur pour les habitués des poteaux, car ce flirtage était une des grandes attractions de la promenade du matin. Oui, elle n'est pas sauvage, Madame de Villefranche, mais elle est très bonne femme, elle, et ne cherche pas à poser pour l'austérité. Avouez, dit en riant Monsieur de la Fère, que ça lui serait difficile. Josette, distraite, regardait l'avenue ensoleillée. Des nuées d'officiers passaient à fond de train, lançant des plaques de sable aux cavaliers paisibles. Des bébés graves, l'air important, descendaient vers Paris sous la conduite d'un vieux piqueur. Les petites filles, plus volontaires, cherchant à bousculer et dépasser les garçons, allongeaient le pas tant qu'elles pouvaient le train de leur poney. Puis des femmes correctes et sanglées, parmi lesquelles Madame de Guibray, l'air chaste, impassible et froid, suivie de son mari et de Monsieur de Lalonde, tous deux également en adoration devant elle, ne la quittant pas du regard et s'épiant jalousement à la dérobée. Au milieu de l'avenue, des voitures élégantes et coquettes, la plupart conduites par des femmes, quelques-unes longeant le bord de l'allée pour se rapprocher des cavaliers. Le côté des piétons peuplé d'enfants, de femmes, de jeunes filles, de chiens pomponnés, frisés au petit fer ou habillés de paletots. Les grandes ombrelles rouges apparaissaient déjà, malgré les fourrures, protégeant les teints délicats contre le dur soleil de mars. C'était un riant coup d'œil, tout plein de notes gaies et d'un joli mouvement de vie élégante. « À quoi pensez-vous ? » demanda Pierre, voyant la comtesse songeuse. « Je pense que si, à présent, j'étais emballé, j'aurais beaucoup plus peur. »« Pourquoi donc ?»« Parce que, pour l'instant, je trouve très bon de vivre. »« Et ce matin ?»« Ça m'était égal. »« Je craignais de me faire mal en tombant, mais pas du tout de mourir. » En effet, Josette était heureuse de vivre, et elle eut, en déjeunant en tête-à-tête avec sa belle-mère, des accès de folle gaieté qui stupéfièrent Madame Moret.